Le groupe de Venceslas était à ses œuvres à venir ce qu'est le mariage de la Vierge à l'œuvre totale de Raphaël. Le premier pas du talent fait dans une grâce inimitable, avec l'entrain de l'enfance et son aimable plénitude, avec sa force cachée sous des chairs roses et blanches, trouées par des fossettes qui font comme des échos au rire de la mer. Le prince Eugène a, dit-on, payer 400 000 francs ce tableau, qui vaudrait 1 000 000 pour un pays privé de tableaux de Raphaël, et l'on ne donnerait pas cette somme pour la plus belle des fresques, dont cependant la valeur est bien supérieure comme art. Hortense contint son admiration en pensant à la somme de ses économies de jeune fille. Elle prit un petit air indifférent et dit au marchand « Quel est le prix de ça ?»« 1 500 francs. » répondit le marchand en jetant une œillade à un jeune homme assis sur un tabouret dans un coin. Ce jeune homme devint stupide en voyant le vivant chef-d'œuvre du baron Hulot. Hortense, ainsi prévenue, reconnut alors l'artiste à la rougeur qui nuança son visage pâli par la souffrance. Elle vit reluire dans deux yeux gris une étincelle allumée par sa question. Elle regarda cette figure maigre, étirée comme celle d'un moine plongé dans l'ascétisme. Elle adora cette bouche rose et bien dessinée, un petit menton fin et les cheveux châtains à filaments soyeux du slave.